Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le mur d'Adrien, la frontière nord de l'Empire romain. There are 80 gates. Il y a 80 points d'entrée le long du mur. Voici l'un d'entre eux, au nord. Ici à gauche, c'était les terres des barbares, gardées par les soldats. Au sud, à droite donc, l'Empire romain. L'historien Peter Carney à l'émission Télématin de France 2 en 2019, long d'environ 120 km, monument historique le plus étendu d'Europe du Nord, le mur d'Adrien, dont la construction commence en 122, est érigé à la demande de l'empereur Adrien qui décide d'en faire la frontière nord de son empire. Ce mur est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa valeur historique, bien sûr, mais aussi pour son génie technique. Le mur d'Adrien, au nord de l'Angleterre, est l'une des merveilles méconnues de l'Antiquité. Cette spectaculaire muraille de pierre mesure 120 km de longueur, 3 à 5 mètres de hauteur et environ 3 mètres d'épaisseur. Pendant 3 siècles, elle est restée la plus impressionnante des frontières de l'Empire romain. Le mur d'Adrien ne représente pas seulement un formidable exploit technique, il est si important qu'il a été inscrit au patrimoine mondial. Mais c'est aussi un incroyable témoin du passé, une fenêtre ouverte sur l'histoire de l'humanité. C'est l'anneau d'Amélia, un objet magnifique. Je me demande souvent si elle l'a perdu dans une dispute. Même quelque chose d'aussi petit peut nous donner des renseignements sur l'une des personnes qui vivait sur le mur d'Adrien. Chaque pièce de cuir de cette sandale porte le poinçon de son fabricant, Lucius Ibucius Tali, fils de Titus. C'était en quelque sorte le Gucci de son époque. Près de 2000 ans plus tard, le mur est encore debout. Si les hommes, les femmes et les enfants qui vivaient à proximité ont disparu, ils ont laissé derrière eux des milliers de témoignages, dont une extraordinaire collection de lettres manuscrites. Extrait du documentaire de la BBC « Les secrets du mur d'Adrien » diffusé en 2006 pour nous raconter la fascinante histoire du mur d'Adrien. Je reçois Evelyne Ferron, spécialiste de l'histoire ancienne, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeure d'histoire au Collège Mérici de Québec et animatrice du balado pour enfants « L'incroyable histoire ». Evelyne Ferron, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il représente, Evelyne Ferron, le mur d'Adrien dans la grande histoire de l'Empire romain? Il représente en fait, je dirais, l'effort des militaires. C'est le travail collectif d'une armée qui a construit donc ce très long mur qui va marquer la limite entre le nord de l'Empire romain et les territoires qu'on appelait à l'époque des barbares, essentiellement les populations celtiques, surtout du côté de ce qui est aujourd'hui l'Écosse. Donc, on peut parler entre autres des brigantes qui menaçaient souvent les Romains. Et il est aussi le symbole d'une époque de paix en même temps. Même s'il est une construction militaire, il a été érigé à une époque où, pour l'Empire, c'est une paix relative. C'est ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine depuis l'empereur Octave Auguste. Donc, on peut parler à peu près là, début du tournant du 1er siècle de notre ère jusqu'à cette époque-là. Et l'objectif, c'est d'une façon de dire, voici où s'arrête vraiment l'Empire dans le Nord. Et en même temps, si vous voulez traverser ou immigrer illégalement aussi sur notre territoire, sachez qu'il y a des tours de surveillance partout et que ce sera difficile pour vous. Alors, c'est comme un gros panneau publicitaire aussi, en même temps, le mur d'Adrien. Le message est envoyé très clairement à ces fameux barbares, entre guillemets. Voilà. Avant de parler davantage de l'empereur Adrien, qui est à l'origine donc de ce fameux mur d'Adrien, je vous propose qu'on se fasse plaisir, Evelyne Ferron, qu'on écoute ensemble Marguerite Yourcenar, l'autrice du roman Mémoire d'Adrien. Elle va parler, vous allez voir, dans cet extrait de l'empereur Adrien à Bernard Pivot, à l'émission Apostrophe en 1979. Vous allez voir aussi, elle parle de cet homme de paix quand elle parle d'Adrien, dont vous venez vous-même de nous parler. La grandeur d'Adrien, il y a plusieurs espèces de manières de la considérer. D'abord, c'est presque un empereur pacifique. On peut dire qu'Adrien a été pacifiste. Il a rendu certaines conquêtes pour terminer immédiatement les guerres. Et pendant ces 20 années de règne, il n'y a eu qu'une seule guerre qui était en somme une espèce de rébellion, de guérilla, qui n'a pas pu éviter la guerre de Palestine, qui d'ailleurs l'a plus ou moins tué. Et pendant les 50 ans qui ont suivi, grâce aux arrangements qu'il avait pris, la paix romaine a continué à régner, enfin, avec quelques petits accrocs par-ci, par-là. Le second, c'est qu'Adrien n'est pas du tout le Romain typique, le Romain tel qu'on les voit dans la guerre civile de Monterland, par exemple, qui est d'ailleurs une fort belle chose. Ce n'est pas un homme qui a été élevé à Rome. C'est un Romain de province, d'une famille venue des bords de l'Adriatique, qui est installée en Espagne depuis des générations. Y avait-il en lui du sang celte, du sang ibère? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est possible. Mais en tout cas, il y a des aspects de lui qui sont très différents de celui du Romain habituel. Il y a sa sobriété, il y a sa passion de la chasse, que je suis loin de partager, mais qui fait déjà de lui le prédécesseur d'un Habsbourg, presque. Il y a sa passion du deuil, c'est une espèce de frénésie sombre. Donc, il a été un grand prince, et il a été un prince extraordinairement individuel. Alors, qui est donc l'empereur Adrien, Evelyne Ferron? Bon, l'empereur Adrien succède à l'empereur Trajan. Alors, on parle d'un règne de l'époque de 117 à 138. Dans cette période de la fameuse Pax Romana, Trajan laisse un empire en paix relative, ce qui va permettre à Adrien de faire quelque chose que les empereurs ont rarement eu le temps de faire à l'époque impériale, qui est de voyager. Mm-hmm. C'est un empereur qui a passé très, très peu de temps à Rome, si on le compare à ses prédécesseurs, parce qu'il a passé 12 années de son règne en voyage sur 21 années, ce qui est quand même vraiment beaucoup à l'époque. Et ce qui est intéressant avec Adrien, c'est qu'on peut le suivre partout à la trace, parce que dans chaque province de l'Empire qu'il visitait, il faisait ériger un temple, il faisait ériger une statue à son effigie, ou il faisait laisser une stèle épigraphique, donc un texte gravé dans la pierre pour témoigner du fait qu'il était passé par là. Donc, il est facile à suivre aussi en même temps. Et comme il règne sur l'âge d'or de l'Empire, c'est sûr qu'il a aussi cette possibilité d'être un empereur qui est beaucoup associé à la culture. Mm-hmm. Il a le temps de faire des constructions, pas que militaires. Et c'était un homme qui était fasciné. On a entendu le côté de le pacifiste par Marguerite Yourcenar, mais c'est aussi un homme qui était épris de culture et plus spécifiquement de culture grecque. D'ailleurs, son surnom, c'était Graikoulos, le grec, quand il était plus jeune. Parce que, bon, il est allé à Athènes, il était fasciné par le système démocratique, d'ailleurs, de cette ville-là, et fasciné par le fait qu'il fallait être instruit pour pouvoir faire de la politique. Et ça va marquer un peu, je dirais, son approche de la politique en tant qu'empereur également. Mais c'est un empereur mélancolique. C'était un homme qui était homosexuel. Il est tombé amoureux d'un jeune homme grec qui s'appelait Antinous, qui l'accompagnait absolument partout. Mais une fois devenu empereur, c'est une relation qui était assez gênante. Et on sait qu'un jour, il revient d'Égypte et il bégait que Antinous est tombé dans le Nil et s'est noyé. On n'a jamais su si c'était un accident ou pas. Mais ce deuil dont parlait Marguerite Yourcenar, eh bien, ça va donner la magnifique construction qu'est la Villa Adriana, la Villa d'Adrien, où Antinous est divinisé et les sculptures sont absolument magnifiques. Donc, il va porter ce jeune homme-là avec lui jusqu'à sa mort, en fait. Donc, il y a ce côté très mélancolique qui vient avec Adrien. Autre construction, bien sûr, associée à Adrien, on y revient, le mur d'Adrien. Dans quel contexte est construit ce mur-là et pourquoi l'empereur Adrien décide-t-il de le construire? Il décide de le construire parce que il veut effectivement marquer cette espèce de limite physique, visuelle, très claire, entre la frontière de ce qu'est la province de Bretagne et les territoires des populations celtiques qui, avant son règne, en fait, ont souvent essayé, je vous dirais, de traverser en Bretagne, ont créé quelques difficultés, pouvaient faire des petites guérillas quand même assez violentes, entre autres les brigantes. Mais il y a aussi le problème que, comme c'est une époque de paix, il y a peu de conflits. Et l'armée romaine s'encroûte un peu. Alors, elle n'a pas grand-chose à faire. C'est probablement l'époque où elle a le peu à faire. Et c'est la raison pour laquelle il s'est dit, je vais non seulement faire une frontière très claire et très visuelle qui va me permettre de contrôler les allées et venues aussi des populations celtiques de l'autre côté, de les aviser qu'ils ne peuvent pas traverser, mais je dois aussi faire travailler mes militaires. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est une construction de l'armée romaine. Et ça va se faire quand même sur quelques années seulement. Et ils vont faire donc à peu près 120 km de murs avec de la tourbe et, des tours de surveillance et des fossés, mais c'est vraiment de l'ingénierie militaire qu'on va voir en action. Donc, il y a le but, en fait, de désencrasser un petit peu les militaires derrière. Ouais. Ouais, sortir ces militaires de l'oisiveté. Voilà. À quoi ça ressemble concrètement, ce fameux mur d'Adrien? On écoute à ce propos Peter Hill, qui a écrit un livre sur la construction du mur d'Adrien, extrait du documentaire de la BBC « Les secrets du mur d'Adrien ». Adrien a certainement participé à la conception du mur. Il était très féru d'architecture. Il a donc dessiné les plans et son armée les a réalisés. En suivant les instructions d'Adrien, les soldats ont érigé tous les 1000 Romains des tours militaires. Mais à certains endroits, les plans de l'empereur ont dû en faire sourciller plus d'un. Nous sommes à l'entrée nord du Mile Castle 37, juste à l'ouest du fort d'Alstead. Une magnifique porte, un passage de 3 mètres de largeur, assez grand pour laisser entrer un gros chariot. Vous la traversez et vous vous retrouvez au bord d'un précipice. La pente est très abrupte. À quoi pouvait bien servir cette porte ? À pas grand-chose. Adrien a conçu le mur. Il a dit qu'il voulait un passage tous les 1000 Romains. Ils ont donc créé un passage tous les 1000. Ils ont dû regarder les plans en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fiche ?» Mais ils ont suivi les indications. Bon, c'est assez amusant ce qu'on vient d'entendre. Puis il y a un aspect évidemment anecdotique, Évelyne Ferron. Mais au-delà de cette anecdote, qui est assez formidable, que vient de nous raconter Peter Hill, à quoi il ressemble ce fameux mur d'Adrien? Ben, c'est un mur de pierre et de tourbe, essentiellement, qui serpente. Je pense que c'est un mot qui est important parce qu'il suit un relief qui est très accidenté. On est dans la région des Cumbria, dans le nord de l'Angleterre. Donc, c'est vraiment des vallons, des collines. C'est la campagne anglaise telle que vous pouvez vous l'imaginer dans ce qu'elle a de plus bucolique. Mais il fallait suivre, en fait, ce relief très accidenté, ce qui fait que des murs qui vont mesurer des fois un 4,5, 5 mètres de hauteur, d'autres 3 mètres, parce que ça dépend s'ils sont sur une colline ou pas. Et c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'il voulait des tours de surveillance, donc à 1,5 km. C'est un peu comme on disait dans l'extrait, de manière très, très rigoureuse. Ouais. On va avoir des tours de surveillance qui sont des tours d'observation, mais pour éviter les attaques, on va vouloir aussi des fossés qui sont très profonds, donc proches des tours en particulier, ou qui pourraient être des portes d'entrée pour des envahisseurs. On va creuser des fossés qui sont très, très, très profonds, dans lesquels on va trouver plein d'objets d'ailleurs. C'est très riche du point de vue de l'archéologie. Mais on va faire aussi des plus grosses tours qui, elles, vont servir plus à attaquer si nécessaire, qui peuvent mesurer jusqu'à 14 mètres de hauteur. Aujourd'hui, on ne les voit plus comme ça, mais elles ont été très, très hautes à l'époque. Et c'est sûr que l'autre objectif de ce mur, faut imaginer que c'était d'attirer les soldats et leurs familles. Donc, il fallait que ce soit un milieu de vie aussi en même temps. Donc, il faut imaginer qu'il y avait des camps qui étaient destinés aux soldats à l'arrière. Il y avait des cuisines, il y avait des logements à l'intérieur, des chambres à coucher. On avait des lieux pour jouer à des jeux de société parce que le temps pouvait être assez long au mur d'Adrien quand on était mandaté pour le surveiller. Et on va même être assez ingénieux parce que les légions vont avoir un système routier pour pouvoir avancer assez rapidement, en fait, le long du mur, à cheval, entre autres. Mais ils vont aussi pouvoir communiquer avec des signaux lumineux, avec, en fait, des torches sur les tours les plus hautes qui vont servir justement à pouvoir communiquer avec de la lumière si le soir, il y a quelque chose ou un danger qui s'approche. Donc, c'est quand même toute une organisation autour du mur lui-même. Ouais. Toute une organisation et toute une vie dont vous nous parliez. Il y a les soldats sont là avec leur famille. Puis ce qui est fabuleux quand on s'intéresse au mur d'Adrien, à son histoire, c'est qu'au fil du temps, ce mur-là nous a révélé plein de petits secrets. C'est une mine d'or, au fond, pour les archéologues, pour les historiens. Ça nous permet de nous renseigner sur la vie qu'avaient les gens qui étaient associés au mur. Et on écoute justement à ce sujet un extrait du reportage diffusé à la chaîne télé de l'UNESCO. Voici les vestiges du fort de Vindolanda, où 500 soldats étaient en garnison à l'époque. 70 ans de fouilles ont livré des indices sur les conditions de vie de l'armée romaine à l'époque. Parmi les 20 000 objets déterrés, certains révèlent comment vivaient les soldats en dehors des combats. L'archéologue Robin Burley souligne qu'il existe certains signes de relâchement dans la discipline militaire. Plus de 1000 chaussures d'enfants, des sandales féminines, ainsi que des objets considérés comme des jouets d'enfants ont été découverts, alors que le règlement militaire interdisait le mariage. Pourtant, nombre de ces soldats avaient des familles. Plusieurs secrets militaires sont rédigés en latin sur des planches de bois. Certaines inscriptions comportent des mots inattendus dans ce contexte comme « déserteur de l'armée » ou « expulsion ». Il s'agissait d'un signe avant-coureur du début du déclin de l'Empire romain, qui était alors à son apogée. Alors, que nous apprend l'histoire du mur d'Adrien, Évelyne Ferron, sur la vie à l'époque de l'Empire romain et autour du mur d'Adrien, justement? Ben, c'est que pendant une longue période, c'est relativement tranquille. C'est pas, ce ne sont pas les soldats qui ont affronté le plus d'attaques le long de ce mur, qui était quand même une bonne façon, en fait, de rebuter, je vous dirais, les populations barbares de l'autre côté. Mais la documentation qu'on a découverte, entre autres en 2017, on est venu rajouter là, ces fameuses petites tablettes de bois. Donc, il faut imaginer qu'on prend du bois pour écrire, comme on pourrait utiliser un bloc-notes, tout simplement, avec de l'encre. C'est souvent du bois de chêne ou du bois de bouleau. Et ce qu'on y voit, ben, c'est que les soldats disent ben, qu'ils s'ennuient de leur famille parce que, bon, oui, certains sont là avec femmes et enfants, mais la famille élargie, les parents sont souvent à Rome ou ailleurs. Donc, on a ce genre de témoignages. On a des lettres, en fait, qu'ils écrivent en disant « J'espère que vous allez pouvoir transmettre ce message à ma famille. » Mais on a aussi des plaintes, des plaintes de soldats qui se disent ben, « Le temps est quand même un peu long. J'aimerais ça qu'on ait plus de bière. » On est supposé, en fait, dans notre sol, de recevoir plus de la bière pour s'hydrater, mais on sent que c'est pour autre chose aussi. Donc, on a ce genre de petite plainte où on aimerait avoir un peu plus d'alcool, je dirais, sur le mur d'Adrien. Mais quand on regarde aussi, bon, les jouets et tout ça, ce qu'on réalise, c'est, comme je vous disais, c'est vraiment un milieu de vie. Donc, oui. Les gens jouent à des jeux de société, jouent aux dés, devaient manger et boire allègrement aussi. Alors, ça donne une idée de vraiment comme un petit village, en fait, le mur d'Adrien. Ce qui est fascinant, moi, quand j'y suis allé, je me souviens très bien, ce qui est fascinant, c'est d'abord de réaliser que l'Empire romain s'étend si loin au nord, mais c'est aussi, oui. Puis vous en parliez d'une certaine façon, cet ennui des soldats. Le temps, c'est le nord d'Angleterre, c'est presque l'Écosse. Quand on vient du sud de l'Empire, moi, je me disais, mais les soldats qui se retrouvaient là ont dû se dire, mais pourquoi moi, si on postait si au nord? Peut-être qu'ils se le sont dit. C'est comme j'ai l'ennui ressort en fait des témoignages écrits qu'on a découverts. Mais en même temps, ils sont bien payés. C'est une armée de métier. Alors, ils ont cette chance quand même d'avoir un emploi bien payé, d'être logé, d'être nourri. Bon, même s'il manque un peu de bière, reste que les conditions semblent quand même très, très bien. Alors, ils n'avaient pas nécessairement tant à se plaindre que ça. Mais c'est sûr qu'ils sont loin des activités des villes. Alors, ils ne sont pas dans une ville comme Rome avec les restaurants, avec les bordels et tout ça. Alors, c'est sûr que le divertissement est plus limité, mais reste qu'ils ont de quoi faire vivre leur famille. Ils sont quand même très bien payés. Alors, ça, c'est important de le souligner. Mais loin aussi du soleil, du chaud soleil du sud de l'Italie. Revenons à la vocation défensive de ce mur-là. Il y avait le signal, évidemment, qu'on voulait envoyer. Là, c'est ici que ça s'arrête, c'est ici qu'on trace la ligne. Mais cela dit, est-ce que le mur, au cours de son histoire, a été victime d'attaques. Sous l'époque d'Adrien, très peu de ce qu'on en sait. C'est vraiment en fait sous son successeur, Antonin le Pieux, que les problèmes vont commencer. On l'a entendu un peu dans l'extrait. La Pax Romana commence à aller un peu moins bien. Il commence à y avoir de plus en plus en fait d'attaques de populations dites barbares, souvent de peuples celtiques, à différents endroits. On a des problèmes aussi en Orient, en fait, avec la frontière romaine. L'empereur Marc Aurèle, qui suivra après Antonin le Pieux, va être un empereur qui va être à la guerre constamment. Donc, on s'en va vers un changement quand même assez notable. Alors, c'est en 138 là, qu'on sent que les choses commencent à tourner et c'est ce qui va expliquer d'ailleurs qu'on va plutôt que d'agrandir ou de renforcer le mur d'Adrien, on va réaliser en fait qu'on doit peut-être repousser les envahisseurs en avançant en fait un mur vers l'Écosse. Alors, ça va être ça la stratégie. C'est pour ça que le mur lui-même à l'époque de l'Antiquité romaine n'a pas subi vraiment de grosses attaques, n'a pas été détruit en fait. Donc, un deuxième mur est érigé un peu plus au nord, le mur d'Antonin, c'est ça? Voilà, le mur d'Antonin le Pieux, qui est le successeur d'Adrien, qui va régner de 138 à 160. Et l'objectif, c'est effectivement, c'est de dire, avant qu'ils atteignent le mur d'Adrien, qui est vraiment la frontière, on va les bloquer avant ça. Alors là, on va s'en aller dans le sud de l'Écosse et on va faire un mur de 60 kilomètres qui va permettre, là, du moins on l'espère, de ralentir en fait la progression des populations celtiques qui souhaiteraient entrer sur la frontière romaine. Ouais. Éventuellement, rendu au 5e siècle de notre ère, là, on va l'échapper complètement. Là. Ouais. Et de fait, vers le 5e siècle, on décide d'abandonner le mur. Pourquoi? Là, on est rendu à une époque où l'Occident est de plus en plus difficile à protéger pour l'Empire romain. Au 5e siècle, il faut dire que le centre du pouvoir s'est déplacé beaucoup de Rome vers Constantinople aussi, donc plus vers la portion orientale de l'Empire. Alors, on fait des choix stratégiques et il y a des secteurs où il y a tellement de mouvements de population, ça va tellement mal qu'on préfère en fait concentrer les efforts là où on est assuré de pouvoir gagner, de bien pouvoir protéger les frontières. Donc, on délaisse une période partie de la portion occidentale de l'Empire romain à ce moment-là. Alors, c'est ce qui fait qu'il n'y aura plus de surveillance au mur d'Adrien et que les populations celtiques vont pouvoir commencer à envahir une partie de la portion occidentale de l'Empire romain. Oui. Et qu'est-ce qu'il devient, ce fameux mur, après son abandon par les Romains, Évelyne Ferron? Ben, au fil du temps, c'est sûr que c'est des belles constructions. C'est de la belle maçonnerie de pierre à plusieurs endroits. Alors, ça va être démantelé assez facilement. On va récupérer ces pierres-là pour d'autres constructions. On va récupérer des pierres pour des habitations dans les villages qui vont se construire dans les environs. Donc, ça va être... il va être démantelé au fil du temps jusqu'à ce qu'il y ait des efforts, en fait, quand même très volontaires là, pour le préserver parce qu'on va réaliser que c'était une des grandes constructions militaires de l'époque de l'Empire romain. Quand on s'éveille, je dirais, à son caractère patrimonial et à sa valeur pour comprendre l'histoire militaire romaine, là, les choses changeront et enfin, on va mieux le protéger. Mais il est tellement long qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas de la surveillance partout sur le mur d'Adrien. C'est impossible. Et souvent, en fait, il y a des gens qui vont là avec des détecteurs de métaux pour essayer de trouver des objets quand les archéologues ne sont pas sur place. On a des fois un petit peu de vandalisme aussi. Donc, c'est encore aujourd'hui, en 2021, assez difficile, en fait, de protéger entièrement ce long mur dont il y a des secteurs où on voit les vallons puis on voit quelques pierres, mais il ne reste plus rien. Donc, le secteur de Vidolanda dont on parle dans les extraits, c'est le secteur, en fait, qui est le mieux préservé du mur d'Adrien et où l'archéologie est la plus active. Mais il faut dire que des bonnes portions, maintenant, c'est de la tourbe et on ne peut pas se douter, en fait, que le mur se tenait à cet endroit-là. L'érosion, donc, c'est très inégal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quoi, c'est bien sûr une attraction touristique, c'est il y a des balades aussi, des longues marches. Là, il est très, très long, il fait à peu près 120 mètres. C'est devenu ça, attraction touristique, sentier... Oui, attraction touristique, je crois que ça, c'est sûr que le paysage bucolique qui l'accompagne dans le nord de l'Angleterre, vous êtes quand même, comme je dis, dans la région des Cumbria, qui est une région, une des régions les plus vallonneuses avec le Yorkshire en Angleterre. Il y a un attrait, je dirais, pour la randonnée pédestre aussi, mais il y a cet intérêt... c'est ça, grandissant en Angleterre pour les détecteurs de métaux. C'est en train de devenir un fléau, en fait, parce que les gens s'achètent ça et ils essaient le soir ou dans les secteurs les moins supervisés de voir s'ils ne pourraient pas trouver justement des anneaux en or, des boucles de ceinture ou des objets comme ça qu'ils rapportent aux autorités. Le plaisir, c'est de les trouver, mais dans les faits, c'est quand même illégal de faire des choses comme ça parce qu'on sort les objets de leur contexte et ça, je dirais que c'est le grand défi du mur d'Adrien pour les prochaines années, essayer de contrôler, en fait, cet intérêt de montrer sur les réseaux sociaux qu'avec un détecteur de métal, on peut trouver des objets à la place des archéologues. C'est assez sérieux, en fait, comme problème. Évelyne Ferron, professeure d'histoire au Collège Mérici de Québec, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et animatrice, je le rappelle, du balado pour enfants, L'incroyable histoire. Merci beaucoup, Évelyne. Ça m'a fait plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.